Voici l'humeur de Guillaume Guiz. Bonjour les amis. Non. À chaque fois, il se prend attaquer, le pauvre. J'ai lu début de semaine dans le journal Le Monde. Et oui, je lis parfois le journal Le Monde, mais ça ne me fait pas de moi quelqu'un de meilleur. Arrêtez tout de suite de m'envoyer des textos pour qu'on devienne vraiment amis. J'ai mal à votre dignité. Quand je dis bonjour les amis, c'est plus une figure de style. Hein. C'est pour pas dire bonjour les crevures de but en blanc. J'ai donc lu cette semaine dans Le Monde que la France s'apprêtait à commettre l'une des plus grosses bêtises de son histoire après l'élimination de Patchy en demi-finale de la Starac 3. Un spécialiste, il prévoyait en effet que François Hollande, votre président, serait laminé dès la primaire à gauche, bande de sots. Laissez-moi vous dire un truc, des grands hommes, vous en avez eu en France, qui Rimbaud, qui Alain Prost, des âmes nobles qui ont su trouver les mots ou les trajectoires, mais un mec aussi fort mentalement que François Hollande, vous n'en aurez plus jamais, quoi. Le mec, il est encore en vie. Sérieux, le fait que François Hollande ne se soit pas suicidé depuis le début de son mandat, c'est un putain de miracle, quoi. Sérieux, à côté de ça, le fait que Daniel Morin soit pas en prison, limite, c'est normal, quoi. Et moi, ça me fait assez vite mal au cœur quand les gens me détestent. Mais si j'avais vécu le tiers du quart de la moitié de ce qu'a vécu François Hollande en termes d'ego, aujourd'hui, on fêterait le 4e anniversaire de ma pendaison ou à minima le 4e centimètre de mon ulcère à l'intestin, quoi. Je me déplacerais jamais en public sans ma traînée de sang. Elle me suivrait partout comme un bichon. Pourtant, Hollande, il tient le coup. Inlassablement, le type tient le coup. Comment fait-il ? De deux choses l'une. Soit son entourage le protège hermétiquement, comme dans Goodbye Lénine. Oui, et lui trafique une connexion internet bloquée sur Caramel, MSN et la victoire des Bleus à l'Euro 2000. Soit il est parfaitement au courant de ce qu'il inspire aux Français. Genre il sait que même quand il caresse son chat rêve de lui filer la toxoplasmose. Et alors dans ce cas, c'est un sociopathe taillé à merveille pour la fonction présidentielle. Parce qu'il craquera jamais, jamais, jamais. Et vous réalisez pas la chance que vous avez d'avoir un type comme ça. C'est vrai, les États-Unis, ils ont le président le plus cool du monde. Vous avez le plus résistant. François Hollande, c'est le Jean Moulin de sa propre vie, quoi. C'est le Kevlar de la social-démocratie. C'est le maso de l'expression sadomaso, il craquera jamais. Vous pouvez pas vous priver d'un mec comme ça, c'est une absurdité. Moi je vous le dis en voisin, chez nous il y a des premiers ministres qui démissionnent quand ils ont une rage dedans. Quoi. Je veux dire, c'est pas le même seuil de tolérance au mal quand même. Vous avez une perle, mais vous la snobez. Comme on snobe une fille un peu moche là, alors qu'au fond elle a un grand ganglion. Faut voir derrière les apparences. Et là, je m'adresse directement à François Hollande. Il nous écoute peut-être en ce moment, on sait jamais. Plus si les journalistes à qui il confie frénétiquement sa life rechargent vite fait les piles de leur dictaphone, il y a peut-être un créneau à prendre. Je lui dis, président, tout n'est pas perdu, camarade. Il vous reste quelques mois pour reconquérir le cœur et l'estime des Français, mais il va falloir y aller fort, je vous préviens. Déjà, aller en Irak, combattre Daesh tout seul, torse nu, avec une GoPro, hein, comme un hooligan russe, ça c'est la base. Mon conseil, vous prenez le premier avion pour Mossoul, vous dites au Peshmerga, vous dites c'est bon les gars, je vais m'en occuper. Vous libérez l'Europe de la menace terroriste, vous reconstruisez l'Irak et la Syrie, puis vous relogez les 2 millions de réfugiés sur leur terre. Là, vous avez peut-être une chance de battre Benoît Hamon à la primaire. Une fois que c'est réglé, vous rentrez au pays. Vous rétablissez l'esprit canal. Oula. Ouais, vous violez Vincent Bolloré en clair quand même. Et si vous êtes gourmand, vous tapez BHL et Nicolas Sarkozy dans le paquet, ça devrait vous remettre dans le sens de la marche avec l'opinion publique. Mais bon, comme on veut un plébiscite et pas un petit 53% de l'opette pour le deuxième tour, je vous dirais, vous demandez à PNL d'écrire vos discours. Vous les faites à l'autotune. Rappeur. Hein. En théorie, voilà. Faut préciser PNL. Et vous aurez la jeunesse et les arocs dans votre poche. Voilà, après, c'est une partie de la solution, mais ça devrait vous permettre de repartir pour 5 années d'atroces souffrances psychologiques, puisqu'apparemment, c'est votre truc, la douleur. Allez, bon quinquennat et bonne émission. Merci, Guillaume. Oh, oui, bravo. France Inter, Nagui, la bande originale.